Chapitre 10. On ne sacrifie pas pour Allah en un endroit où on sacrifie pour autre que lui. Allah le Très-Haut dit, ne te tiens jamais dans cette mosquée. Verset 108 de la sourate Le Repentir. Thabit ibn Dahhak, qu'Allah l'agrée, a dit, un homme avait fait le serment pieux de sacrifier le chamel à un endroit nommé Bouana. Il questionna le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit, s'y trouvait-il une idole adorée dans la période anté-islamique? On lui répondit, non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, continua, y célébrait-on une fête, Eid, polythéiste? La réponse fut la même. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, respecte ton serment, car on ne doit pas respecter un serment pour désobéir à Allah ou concernant des biens que l'on ne possède pas. Rapporté par Abu Daoud, avec le chef de rapporteur remplissant les conditions d'authenticité d'Al-Bukhari et Muslim. Les points à retenir. Point numéro 1. L'explication de la parole divine. Ne te tiens jamais dans cette mosquée. Point numéro 2. Le péché peut avoir un effet sur un lieu, il en est de même pour l'acte de piété. Point numéro 3. Rapporter la question difficile à une autre évidente afin de dissiper l'incompréhension. Point numéro 4. Le mufti, c'est-à-dire celui à qui on a posé une question, peut demander plus d'éclaircissement si le besoin s'en fait sentir. Point numéro 5. Il n'y a pas de mal à formuler un serment à respecter en un lieu particulier si rien ne s'y oppose. Point numéro 6. L'interdiction de ce type de serment s'il s'agit d'un lieu où se trouve une des idoles de la Jahiliya, même si cette idole ne s'y trouve plus. Point numéro 7. Ce type de serment est interdit s'il s'agit d'un lieu où l'on célébrait une fête polythéiste, même si cette fête n'a plus lieu aujourd'hui. Point numéro 8. Il n'est pas permis de respecter un serment concernant un lieu du type précité, car c'est un serment de désobéissance. Point numéro 9. La mise en garde contre la ressemblance aux polythéistes dans leurs festivités, même si ce n'est pas intentionnel. Point numéro 10. On ne respecte pas un serment si c'est pour désobéir à Allah. Point numéro 11. On ne respecte pas un serment concernant des biens que l'on possède en terre. Sur la partie du titre, en un endroit, la préposition en, en, en arabe, bi, a un sens plus global que dans, en arabe, fi, car en, désigne aussi bien le lieu même que la proximité. Ces deux sens émanent du hadith, du fait que l'on ne doit pas sacrifier de bêtes pour Allah à proximité d'un endroit où des bêtes sont sacrifiées pour autre que lui, de même que l'on ne doit pas sacrifier de bêtes pour Allah dans un endroit où des bêtes sont sacrifiées pour autre que lui, car dans les deux situations, on s'associe à ceux qui sacrifient pour autre qu'Allah Jalla wa Ala. Pour clarifier les choses, imaginons un lieu où des bêtes sont sacrifiées pour autre qu'Allah, près d'une tombe par exemple, un lieu visité, un lieu vénéré par les polythéistes et les fabulateurs qui égorgent leurs bêtes pour l'occupant de la tombe et ont d'autres agissements. Alors il n'est pas permis aux musulmans monothéistes d'égorger une bête en cet endroit, même s'il le fait sincèrement pour Allah Jalla wa Ala, car il se retrouve dans une situation de ressemblance aux polythéistes dans la vénération des lieux où ils accomplissent différents types d'adorations vouées à autre qu'Allah Jalla wa Ala. Par conséquent, sacrifier une bête pour Allah seul et pour personne d'autre en un endroit où des gens cherchent à se rapprocher d'autre qu'Allah n'est ni permis, ni autorisé, c'est même un moyen facilitant le polythéisme et poussant à vénérer cet endroit. Dès lors, cet acte est interdit et c'est une des voies qui mène au polythéisme. Sur le sens du verset, ne te tiens jamais dans cette mosquée. Il s'agit de l'interdiction de se tenir dans la mosquée d'Irar construite par les hypocrites. Je cite le sens d'un verset, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. Verset 108 de la sourate Le Repentir. La mosquée d'Irar a été bâtie et destinée à faire opposition à Allah et son messager. Partant de ce principe, s'associer aux hypocrites dans leurs prières dans cette mosquée n'est pas permis, car c'est cautionner leurs actes, accroître leur nombre et inciter les gens à prier en ce lieu que d'agir de la sorte. C'est pourquoi Allah Jalla wa Ala a interdit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et aux croyants de prier dans la mosquée d'Irar. Il est bien évident que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle des croyants avec lui était sincèrement vouée à Allah jalla wa ala et à personne d'autre. Malgré tout, il aura été interdit de prier dans cette mosquée, bien qu'ils étaient sincères et qu'ils n'étaient pas animés par l'intention de causer préjudice, ni de diviser la communauté, ni de préparer le terrain aux mécréants. Cette interdiction est due en fait à l'association et à la ressemblance aux hypocrites qui peut induire en erreur les gens lorsque l'on se rend à cet endroit. C'est d'ailleurs cette réalité qui transparaît d'une personne qui sacrifie une bête pour Allah en un endroit où des bêtes sont sacrifiées pour un autre que lui, car cette personne, même si elle est sincère, appelle en fait les gens, par son acte, à vénérer cet endroit. Thabit ibn Dahak, Kala Lagri, a dit « Un homme avait fait le serment pieux de sacrifier une chamelle à un endroit nommé Bouwana. Il questionna le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit « S'y trouvait-il une idole adorée dans la période anté-islamique ?» On lui répondit « Non ». Fin de citation de la partie du hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé des éclaircissements car le besoin s'en faisait sentir. Cette question indique que si cette caractéristique avait été présente, à savoir la présence antérieure d'une idole adorée du temps de la Jahiliya, alors le sacrifice n'aurait pas été permis en ce lieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce hadith a été cité dans ce chapitre. Sur la suite du hadith, y célébrait-on une fête, Eid, polythéiste? La réponse fut la même. L'Eid est un terme désignant un lieu que l'on visite ou une période qui se répète dans le temps. L'Eid peut donc être un lieu habituellement visité à une période déterminée. De même, les périodes peuvent être considérées comme des Aïed, pluriel de Eid, car elles se répètent, ta'oudou, dans le temps, à des moments particuliers. Par conséquent, la question « Y célébrait-on une fête Eid polythéiste ?» désigne un Eid géographique, voire même peut-être un Eid temporel. Or, il est connu que les fêtes des polythéistes, qu'elles soient géographiques ou temporelles, sont liées à leur religion polythéiste. Dès lors, le sens impliqué est que des actes d'adoration polythéiste sont accomplis en ces lieux par ces gens. Et ce qui se fait le plus, qui est d'ailleurs la chose la plus grave, lors des fêtes polythéistes, est le fait de chercher à se rapprocher d'autres qu'Allah le Très-Haut en sacrifiant des bêtes et en versant leur sang. On en déduit donc qu'il n'est pas permis de s'associer aux polythéistes d'une façon ressemblant en apparence à leurs actes en un lieu où ils cherchent à se rapprocher à d'autres qu'Allah, car c'est s'associer à eux dans un acte apparent, même si la personne concernée est sincère et ne sacrifie ni ne prie que pour Allah, Jalla wa Ala. Sur la fin du hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors « Respecte ton serment, car on ne doit pas respecter un serment pour désobéir à Allah ou concernant des biens que l'on ne possède pas. » Les savants ont dit que la conjonction « car » C-A-R, entre les deux propositions, indique que la cause de l'autorisation du respect de serment vient du fait que ce qui précède n'est pas un péché. En outre, la demande d'éclaircissement de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam indique que sacrifier une bête pour Allah en un endroit où une idole était adorée, où une fête polythéiste était célébrée, est une désobéissance à Allah jalla wa ala.